Nous commençons ce matin encore une fois et notre étude de Colossiens et nous terminons le chapitre 1 ce matin. Et nous sommes dans un texte qui n'est pas tout à fait facile. Derrière moi, une sœur me posait la question par rapport à ce texte-là. Et je lui ai dit, si tu veux être un peu patiente, on va le faire dans Colossiens. Et c'est ce matin que nous allons parler de cela. Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, aide-nous à comprendre ce matin ce que l'apôtre Paul veut nous parler et ce qu'il veut nous parler encore une fois, comme c'est son habitude, il veut nous parler du Fils, de son Sauveur, de son Seigneur. Il continue dans la même pensée. Il veut nous démontrer la suprématie de Jésus-Christ sur toutes choses. Et ce matin, il va continuer son exposé afin d'aider chacun de nous à rester attaché à l'espérance de l'Évangile, comme on a vu hier. Dirige-nous. Que ton esprit nous anime afin de comprendre ce texte. Parce que si on le comprend, nous allons être plus forts dans la foi. Amen. On a vu jusqu'à date la suprématie de Jésus-Christ. Il est suprême parce qu'il est le Créateur de toutes choses. Il est suprême parce qu'il est le premier au-dessus de tout. Il est le suprême parce qu'il est la tête de l'Église. Il est le suprême parce qu'il est le réconciliateur de toute la création avec son Dieu. Et ce matin, nous allons voir une autre vérité. Et nous allons, pour ce faire, nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour vous, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans toutes les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul ici va terminer son exposé et là il va dire quelque chose des fois qui nous laisse un peu perplexes. Il dit qu'il se réjouit des souffrances qu'il a. Je ne pense pas qu'il est à maso là. Je ne pense pas que Paul aimait souffrir. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, Colossiens, pour l'Église. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. De quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qui manque aux souffrances de Christ? Ben, une chose qu'il nous faut éliminer tout de suite, c'est que les souffrances de Paul ne sont pas salvatrices. Ce que je veux dire par là, le salut a été accompli par Christ et par Christ seul. Il est le seul chemin. Il est le seul salut. Paul ne peut pas ajouter au salut accompli en Christ. Mais si vous me permettez de faire le lien avec le verset 18, il est la tête du corps de l'Église. L'Église, c'est son corps mystique. Et Paul, il dit qu'il souffre afin que l'Église puisse se compléter. Vous vous souvenez quand Christ est venu à la rencontre de Paul sur le chemin de Damas et qu'il a dit « Pourquoi est-ce que tu me persécutes, Saul? » Saul dit « Qu'est-ce que t'es, toi? Je te connais pas. Qui es-tu, Seigneur? Pourquoi dis-tu que je persécute? » Mais chaque fois que tu as persécuté un de mes enfants, tu me persécutais moi. Parce que c'est mon corps. Je crois qu'il faut faire un lien ici, dans cette direction-là. Il dit, Christ maintenant, dans son corps qui est l'Église, souffre encore. Afin que d'achever la mise en place de l'Église, pour son corps qui est l'Église. Il souffre pour son corps qui est l'Église. Non pas pour sauver son corps qui est l'Église, mais pour mettre en place l'Église. Et je me réjouis des souffrances, parce que mes souffrances vont permettre que je puisse aller atteindre d'autres élus. Il va dire, il dit, j'accepte. Ailleurs, il dit, j'accepte toutes les souffrances possibles, imaginables, afin que les élus entendent la vérité et qu'ils viennent à l'Évangile. Donc, dans ce sens, ce qui manque aux souffrances de Christ, pas souffrance pour sauver le monde, mais souffrance pour bâtir l'Église, souffrance parce que c'est lui qui bâtit, je bâtirai mon Église, et pour bâtir l'Église, il se sert de l'Église, il se sert de son corps, et son corps souffre afin de compléter le corps, afin d'emmener les autres qui ne sont pas encore dans le corps. Donc, c'est pour ça que Paul dit, « Je me réjouis des souffrances que j'ai. » Parce que ces souffrances-là ont permis le salut de d'autres qui sont maintenant dans le corps. Et Christ souffre parce que l'Église souffre. Comme Christ était persécuté, parce que l'Église était persécutée. Christ est rejeté parce que l'Église est rejetée. Christ est haï parce que l'Église est haïe par le monde. Donc, ce que les gens font à l'Église, ils le font directement à Christ. Donc, les souffrances qui nous sont dédiées, qui nous sont données par le monde, Christ les souffre et il accepte de souffrir dans son corps mystique que l'Église, pour que le restant de l'Église se mette en place. J'espère que ça vous aide à comprendre. Il y a peut-être d'autres explications. Si vous en trouvez une meilleure, en lisant ou en écoutant quelqu'un d'autre, faites-moi le plaisir de me le dire, afin que je puisse peut-être clarifier encore mieux ce verset qui n'est pas toujours facile. Paul y dit, ensuite au verset 25, c'est d'elle que j'étais fait ministre, de l'Église. Et j'étais fait serviteur ou ministre de l'Église, afin que je vous annonce pleinement la parole de Dieu. Donc il dit, je souffre parce que je suis un serviteur de l'Église, et mon but, mon mandat, mon ministère, c'est que j'annonce la parole de Dieu, cette parole par laquelle les gens puissent être sauvés. Et dans cette parole est caché le mystère de tout temps et de tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints. Donc, les saints entendent, les saints, c'est au présent écrit, les choisis, les élus entendent la parole de l'Évangile, la pleine parole de Dieu. Et à travers cette parole, ils reçoivent la révélation du mystère caché de tous les temps. Quel est donc ce mystère révélé? Ce mystère qui était caché. Le mot mystère ne veut pas dire quelque chose d'incompréhensible, comme on disait quand on était catholique. C'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Le mot mystère ici a le sens de quelque chose qui était caché. C'est pour ça qu'il dit le mystère caché. Hein? Caché de tout temps, de tout âge. Dans l'Ancien Testament, il a été impensable. Hein? C'était impossible de voir dans l'Ancien Testament ce que Paul révèle ici aux saints. Qu'est-ce qu'il révèle au verset 27? Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le message, frères et sœurs, le message, c'est le Christ. Et le mystère, c'est le Christ. C'est le Christ dans les païens. Ce mystère parmi les païens. Les Juifs pensaient que c'était pour eux autres, le Messie. Mais Paul dit ici, le Messie vient et vient habiter en vous. Et à cause qu'il est en vous, vous avez l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. C'est par lui que nous exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse. Pourquoi? Afin de présenter tout homme à Dieu devenu parfait en Christ. Oh! Il dit, il faut que je présente Christ. Si je ne présente pas Christ, il n'y a plus de salut possible. Il faut que j'annonce Christ. Il faut que j'instruise tout homme dans la sagesse qui est Christ. Il faut que je présente Christ pour que les gens puissent être présentés devant Dieu, devenus parfaits, comme on a vu tout à l'heure là, au verset 22. Verset 22. Hein? Saint, sans défaut, sans reproche. Il faut que je sois parfait pour être présenté devant Dieu. Jamais rien d'imparfait va se présenter devant Dieu. Il dit, si je parle des anges, si je parle des saints, si je parle des œuvres, si je parle de n'importe qui d'autre, ça ne fera rien dans leur vie. Mais si j'annonce la pleine parole de Dieu, si j'annonce le mystère caché de tous les temps, si j'annonce Christ, aux païens, je vais pouvoir les présenter à Dieu parfait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le verset 15, on a souvent le mot « voulu », car au verset 19, « car il a voulu », au verset 20, « il a voulu », et au verset 27, « Dieu a voulu », c'est Dieu qui veut toutes choses. Vous vous souvenez, dans Éphésiens, il dit, « Dieu a tout fait ce grand plan de salut pour les élus, parce que c'était sa volonté, selon sa propre volonté. C'est lui qui a voulu créer le monde. C'est lui qui a voulu réconcilier le monde. C'est lui qui a voulu annoncer par Christ l'espérance. C'est lui qui a voulu réconcilier le monde afin qu'on soit reconnu parfait devant lui. » Et c'est lui qui a voulu ça. C'est pour ça qu'on lui donne toute la gloire. Et je crois personnellement qu'on ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas empêcher Dieu de faire ce qu'il veut dans votre vie. Vous ne pouvez pas empêcher Dieu d'accomplir son plan de salut. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas, par mes niaiseries, par mes folies, par mes péchés, empêcher Dieu d'accomplir son plan salvateur, si c'est un mot. Il veut, il l'a voulu ainsi. Donc, comment est-ce qu'il démontre ici la supériorité de Jésus ou la suprématie de Jésus, parce que c'est le seul nom que je peux prêcher. Pour pouvoir présenter les hommes à Dieu devenu parfait. Alors, je me souviens toujours d'un homme, une fois, que j'avais connu, à qui je parlais du Seigneur. Cet homme me parlait de toutes ses visions qu'il avait eues, de tous ses songes, ses révélations, et tous ses rêves qu'il avait faits. Comme, en tout cas, c'était vraiment des rêves spectaculaires. Et il disait ça aux gens avec qui il témoignait, parce que c'est un homme qui témoignait beaucoup. Mais malheureusement, il ne témoignait pas de Jésus. J'ai dit, mon cher ami, tout ce que tu as rêvé, imaginé, ou ben non, appelle la vision ce que tu veux, songe si tu veux. Même si tu le conteras à tout le monde des centaines de fois, jamais quelqu'un va être sauvé avec ça. Moi, j'ai dit, garde-la pour toi. Tu as vécu ça, tu dis, garde-la pour toi. Mais quand tu parles à quelqu'un, parle de Jésus. On ne parle pas des baptistes. On ne parle pas de ce qu'on peut faire ou ce qu'on a le droit de faire ou le droit de ne pas faire. Nous parlons d'une personne, Jésus-Christ, mystère caché de tous les temps, mais révélé maintenant au sein par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette prédication-là de Jésus qui peut permettre aux gens de se présenter devant Dieu parfait, saint, sans défaut, sans reproche. Donc, il dit, laissez-la faire, laissez-la tomber, ceux qui vous parlent des anges, ceux qui vous parlent des saints, ceux qui vous parlent de d'autres dieux, de d'autres grands prophètes, Mahomet, Krishna, Bouddha, laissez-la tomber. Ils ne peuvent pas rendre personne parfait. Même si on a des belles leçons morales à compter, même si on a des belles expériences, même si on fait des miracles, tout ce que vous voulez, ils ne peuvent pas emmener personne à la perfection. 1 milliard, 300 millions, 400 millions de musulmans qui ne peuvent pas être emmenés à la perfection par le prophète Mahomet et le Coran. Le seul qui peut nous emmener à être parfait et à être présenté devant Dieu sans crainte et sans peur, c'est la proclamation de Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection et tout son ministère, toute sa personne. Et Paul termine au verset 29, « C'est à quoi je travaille. » En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul dit, je fais cela. J'accepte la souffrance, la prison, la flagellation, la lapidation. J'ai accepté tout ça. Mais je le fais par sa puissance. C'est lui qui l'a voulu. Et c'est lui qui a mis en moi le vouloir et le faire. Il m'a donné cette puissance-là pour que je fasse ça. Ce n'est pas par moi-même que j'ai été capable de faire cela. Ce n'est pas par moi-même que j'ai vu les souffrances comme un sujet de joie. Ce n'est pas par moi-même. C'est par la puissance de Dieu qui agit en moi. Et cette puissance-là, c'est l'Esprit-Saint. Jésus avait dit, ne partez pas avant d'avoir à recevoir cette puissance qui vient d'en haut, qui vous permettra d'être mes témoins. Oh, frères et sœurs, tous les élus sont comme Paul. Tous les saints sont comme Paul. Paul n'a pas eu plus de révélations que les saints à qui il a donné cette révélation-là. Et ces saints-là l'ont transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Nous avons la révélation du mystère caché de tous les temps, qui est Christ qui vit en nous. Espérance de la gloire, qui nous a rendus parfaits, afin d'être présenté devant Dieu. Notre Père, merci, merci de la révélation que tu nous as faite de ton Fils Jésus-Christ. Merci qu'il habite en nous maintenant. Et à cause de la réconciliation qu'il a accomplie dans sa chair, nous sommes devant toi. Parfait. En Jésus.